بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حياكم الله أيها الأحبة aujourd'hui le lundi 4 شوال de l'année 1444 de l'Hégire correspondant au 24 avril 2023. Nous nous retrouvons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala afin de poursuivre cette série sur les mérites des compagnons. Et avant cela, je vous souhaite à tous d'avoir passé un bon Eid et d'avoir profité pleinement de ce mois de Ramadan. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la constance dans nos adorations et de nous permettre de préserver ces bienfaits qui ont été acquis pendant ce mois et de les garder et de rester constant dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à la mort. فتقبل الله منا ومنكم وغفر الله لنا ولكم وعيدكم مبارك سعيد كالله accepte nos bonnes œuvres et qu'Allah nous pardonne nos péchés et nos manquements et nos négligences. Donc aujourd'hui on va commencer, on va faire encore quelques cours sur les compagnons radiallahu anhum, mais comme je vous ai dit, là on va aller plus vite car les compagnons avec lesquels on a commencé sont les plus importants et au sujet desquels ont été rapportés beaucoup de textes. Ensuite, ça va être plus résumé et plus concis avant de passer au dernier volet dans ce livre qui concerne les sahabiyat radiallahu anhun. Aujourd'hui, on va commencer avec un sahabi qui s'appelle Harith ibn Suraqa ibn al-Harithi al-Ansari radiyallahu anhu. Haritha, afwan, j'ai dit Harith ou j'ai dit Haritha, en tout cas c'est Haritha. Ce sahabi qui est très connu qui s'appelle Haritha ibn Suraqa. Haritha, c'est un médinois parmi l'Ansar, radiyallahu anhu. Ce sahabi, qui était très jeune, quand il a participé dans la bataille de Badr, radiyallahu anhu, aux côtés du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et il a été tué dans cette bataille, la bataille de Badr. Donc, Harith ibn Suraqa, c'est parmi les martyrs de la bataille de Badr. Mérite sur mérite. Et il était très jeune. Après sa mort, sa mère est venue voir le Nabi alayhi salatu wassalam. Elle lui a dit au messager d'Allah, tu connais la place qu'avait Haritha pour moi. Le grand amour que j'ai pour lui. Alors dis-moi, s'il est au paradis, comme ça je patiente. Et sinon, tu verras ce que je vais faire. Nabi alayhi salam lui a dit, il l'a interpellé. On dit malheur à toi, mais c'est pas dans le sens, en voulant le sens de cette phrase. C'est une expression pour attirer l'attention d'une personne. Comme il a dit Nabi alayhi salam à Mu'ad ibn Jabal, il lui a dit, thakilatka ummuk, que ta mère te perde. Mais les Arabes, ils utilisent ces expressions sans vouloir le sens. C'est des expressions qu'ils utilisent pour attirer l'attention, pour interpeller la personne et avoir toute son attention. Le Nabi alayhi salatu wassalam lui a dit, « Wayhaki, Est-ce que c'est uniquement un seul paradis? Ce sont des paradis, un nombre, le nombre des degrés du paradis sont très nombreux. Et Haritha, il est dans le Jannah d'Al Firdaus. Il est dans le degré le plus élevé du paradis. Allahu Akbar. Ça, c'est un hadith authentique à son sujet. Il y a des choses qui sont menties ou qui sont faibles, qui sont rapportées au sujet de Haritha radiallahu anhu. Lakin ça, c'est authentique. Qu'il est dans le degré de l'firdaus du paradis. Allahu Akbar. Radiallahu anhu arda. Et Aïcha radiallahu anha a rapporté, il a dit, le messager d'Allah alayhi salatu salam m'a dit, je me suis endormi et j'ai vu dans un rêve que j'étais dans le paradis. Donc c'est le Nabi alayhi salam qui raconte à notre mère Aïcha radiallahu anha. Il lui a dit, j'ai vu que, que j'étais dans le paradis. Et j'ai entendu la voix de quelqu'un qui récitait le Coran. J'ai dit, c'est qui? Ils ont dit, c'est Haritha ibn Nu'man. Yani, Haritha ibn Nu'man, radiyallahu anhu. Ça, c'est un autre compagnon. Haritha ibn Suraqa, c'est celui qu'on a vu précédemment. Là, c'est Haritha ibn Nu'man, radiyallahu anhu. Donc, il Nabi alayhi sallam a dit, c'est qui? Ils ont dit, c'est Haritha ibn Nu'man. Le Nabi alayhi sallam a dit, c'est ainsi la rétribution et la récompense de la bonté envers les parents. C'est ainsi la récompense de la bonté envers les parents. Il a répété deux fois. Et Haritha ibn Nu'man, il était d'une bonté envers sa mère exceptionnelle, radiallahu anhu. Il était parmi les gens les plus bienfaisants envers leurs parents et en particulier envers sa mère, radiallahu anhu. Toujours en ce qui concerne Haritha ibn Nu'man, radiallahu anhu, Abu Salama, le fils de Abdurrahman ibn Auf, a rapporté d'un compagnon qui est passé devant le prophète alayhi salam quand il parlait à Jibril alayhi salam. Il y avait avec lui un homme. Et ils échangeaient d'une manière discrète. Et Abu Salama, quand il a vu le Nabi alayhi salam parler à cet homme d'une manière discrète, il n'a pas voulu aller voir le Nabi alayhi salam et interrompre cet échange entre le Nabi alayhi salam et cet homme. Il n'a pas voulu les interrompre. Ou il avait peur, si jamais il s'approchait de trop de le Nabi alayhi salam, qu'il entende leur discussion alors que c'était visible pour lui que le Nabi alayhi salam il parlait discrètement. Yani, il voulait que ce soit entre lui et cet homme. Quand le Nabi alayhi salam l'a vu le lendemain, il lui a dit, hier t'es passé devant moi, qu'est-ce qui t'a empêché de me passer salam? Haritha ibn Nu'man radiallahu anhu, il a dit au messager d'Allah, je t'ai vu parler discrètement à un homme et je n'ai pas voulu m'approcher de vous. Le Nabi alayhi salam lui a dit, tu sais qui était cet homme? Il a dit non. Il a dit, c'était Jibril alayhi salam. Et si tu avais passé salam, il te l'aurait rendu. Allahu Akbar. Donc ça, c'est par rapport à Haritha ibn Nu'man radiallahu anhu et Haritha ibn Suraqa radiallahu anhu. Un mérite qui concerne le grand compagnon, l'oncle du prophète alayhi salatu wassalam, et son frère d'allaitement, Hamza ibn Abd al-Muttalib. Hamza ibn Abd al-Muttalib, radiyallahu anhu. À son sujet, Jabir radiyallahu anhu a rapporté que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit « Afdalu shuhada'i inda Allahi Hamza ibn Abd al-Muttalib. » Allahu Akbar. Le Nabi alayhi salatu wassalam a dit « Le meilleur des martyrs auprès d'Allah, c'est Hamza ibn Abd al-Muttalib. » Et Hamza ibn Abd al-Muttalib, l'oncle du prophète alayhi salatu wassalam, était un homme extrêmement courageux. Il est l'oncle du prophète alayhi salatu wassalam et il est son frère d'allaitement. La même femme a allaité Hamza et le Nabi alayhi salatu wassalam. Je disais qu'il était un homme extrêmement courageux au point où il allait chasser les lions tout seul. C'est pour ça qu'on l'appelait avant l'islam le chasseur de lions. Le chasseur de lions. Radiyallahu anhu arda. Le Nabi alayhi salam a dit de lui qu'il est le meilleur des martyrs auprès d'Allah. Il est tombé martyr dans la bataille de Uhud. Dans la bataille de Uhud. Et celui qui l'a tué, c'est un homme qui s'appelle Wahshi. C'était un esclave qui appartenait à Hind, l'épouse de Abu Sufyan, et la mère de Muawiya, radiyallahu anhum, car tous y sont devenus des compagnons. Tous sont entrés dans l'islam. Ils sont entrés dans l'islam suite à la conquête de la Mecque. Et un Nabi alayhi salatu wassalam et ses compagnons avaient tué le frère et le père de Hind. Et elle voulait se venger. Et celui qui les avait tués, c'était Hamza ibn Abd al-Muttalib radiyallahu anhu. Elle voulait se venger. Et elle avait cet esclave de l'Abyssinie, un Habashi, ce qu'on appelle aujourd'hui l'Éthiopie, qui était très fort, grand de taille, fort physiquement. Elle lui a dit, si tu tues Hamza, tu seras libre. Effectivement, lui il n'avait pas d'intérêt à combattre les musulmans. Il n'était pas encore musulman, il était kafir. Lakin, quel intérêt pour lui de combattre les musulmans? C'est pour ça il est dans la bataille de Uhud. Il a surveillé les mouvements de Hamza radiallahu anhu jusqu'à trouver une opportunité et il l'a jeté d'une distance avec une lance. Avec une lance. Et il l'a touché yani, dans sa poitrine. Et c'était la cause de sa mort. C'était la cause de sa mort. Et après, il est connu que Hind, pour se venger davantage, elle est venue au corps de Hamza radiallahu anhu et elle a sorti son foie et elle l'a mordu. Après, radiallahu anha, elle est entrée en islam et c'est devenu parmi les sahabiyat, qu'Allah l'agrée. Et ça, c'était quelque chose de très très difficile pour le Nabi alayhi salatu wassalam. Imaginez le Nabi alayhi salatu wassalam, dans Rahma, qu'Allah a placé dans son cœur, dans la miséricorde, dont Allah l'a comblé. Quand, par la suite, Wahshi est entré en islam. Et il est venu annoncer ça au prophète alayhi salatu wassalam. Le Nabi alayhi salatu wassalam a accepté de lui l'islam. A accepté de lui l'islam, mais il n'a pas voulu le voir. Il n'a pas voulu le voir, car c'était quelque chose de très difficile pour le Nabi alayhi salatu wassalam. La mort de son oncle, celui qui l'a protégé pendant plusieurs années, et qui a repoussé de lui les attaques des kuffars, et il l'aimait énormément, il aimait Hamza énormément, radiyallahu anhu. En plus, c'était son frère d'allaitement, c'était يعني, encore dur pour lui de le voir, mais il a accepté de lui son islam. Radiallahu anhu. Ensuite, on va parler d'un quelques mérites d'un très grand compagnon encore, qu'on surnomme l'épée d'Allah, Khalid ibn al-Walid, ce compagnon qui était la cause de beaucoup de dégâts dans les armées des muslimines le jour de la bataille de Uhud. C'était un grand commandant de guerre avec des stratégies qui sont enseignées encore aujourd'hui dans des universités européennes. Radiallahu anhu. Il est entré en islam, Hamza al-Khalid ibn al-Walid, radiallahu anhu, et il a dirigé plusieurs batailles décisives dans l'histoire de l'islam et des muslimines. Qu'Allah l'agrée. C'est pour ça qu'on le surnomme l'épée d'Allah. Et Khalid ibn al-Walid, malgré le grand nombre de batailles dans lesquelles il a participé, et il n'a jamais subi une défaite dans une bataille. Radiallahu anhu. Rien que dans la bataille de Mu'ta, quand en tant que Khalid ibn al-Walid, radiallahu anhu, qui était fort physiquement, grand de taille, il a cassé cette épée dans cette bataille. Allahu Akbar. On s'imagine pas ce que ça devait être. L'épée qu'avait Khalid ibn al-Walid. Et comment, yani, il casse une épée, une seule. Comme vous voyez les épées aujourd'hui, c'est quasiment impossible de casser une épée. Alors lui, il en a cassé sept sur les têtes des kuffars et des mushrikines. Rien que dans une seule bataille. Et malgré tout ça, Khalid ibn al-Walid est mort sur son lit. Il n'a pas, Allah ne lui a pas accordé le degré du martyr. Mais il est espéré pour lui qu'il soit dans le rang. Un homme qui a combattu toute sa vie en voulant ce degré-là, le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala est large et sa miséricorde est immense, subhanahu wa ta'ala. Justement, dans la bataille de Mu'ta, le Nabi alayhi salam avait désigné comme commandant de l'armée des muslimines Zayd ibn Haritha radiallahu anhu. Et il a dit, après Zayd, si jamais il arrive quoi que ce soit à Zayd, celui qui prend la relève et qui le remplace, c'est Ja'far. Et après Ja'far, c'est Abdullah ibn Rawaha. Effectivement, Zayd a dirigé cette bataille jusqu'à ce qu'il a été touché et tué. Ensuite, c'est Ja'far qui a pris la relève, radiallahu anhu. Ja'far ibn Abi Talib, le frère de Ali ibn Abi Talib. Le compagnon qui ressemblait au prophète alayhi salam dans physiquement et dans son comportement, comme on l'a vu quand on a parlé de lui. Après Ja'far, celui qui a pris la relève, c'est Abdullah ibn Rawaha. Il a pris l'étendard des muslimines dans la main et il a été touché également. Il a été tué. Après lui, celui qui lui a succédé, et il n'a pas été désigné par le Nabi alayhi salam, mais il n'y avait plus de dirigeants, donc les muslimines ont choisi Khalid ibn al-Walid radiallahu anhu. Et quand il a pris l'étendard, le Nabi alayhi salam a dit, Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné la réussite, leur a donné le succès. Et ça, je l'avais abordé auparavant. Ils ont eu le succès, le Nabi alayhi salam l'a appelé un succès, une réussite, malgré qu'ils se sont retirés de la bataille. Lakin, vous imaginez une armée de 2000 à 3000 personnes devant une armée de 200 000 à 300 000 personnes ils arrivent à se retirer sans qu'ils soient poursuivis. Car en règle générale, quand tu es face à une petite armée comme ça, tu vas continuer jusqu'à les exterminer. C'est comme ça que ça se passait à l'époque. Lakin, avec les techniques de guerre que Khalid ibn al-Walid a utilisées dans cette bataille, notamment en changeant les côtés, les Romains ont cru que le nombre des musulmans était très nombreux et qu'ils ont eu des renforts. C'est pour ça qu'ils étaient contents qu'ils se retirent. Ils ne les ont pas poursuivis. Un autre sahabi qui s'appelle Khuraym ibn Fatik al-Asadi, dont la kunya est Abu Yahya. Khuraym radiallahu anhu est décédé, il a participé avec Nabi alayhi sallam dans la bataille de Badr, donc il fait partie des Badriyin, et il est décédé pendant la gouvernance de Muawiyah ibn Abi Sufyan, qu'Allah l'agré. Abu Darda a rapporté du prophète alayhi salatu wassalam sa parole: Ni'ma ar-rajul Khuraym al-Asadi lawla tul jummatihi wa isbal izarihi. Allahu akbar. Hadith rapporté par l'imam Abu Daoud et l'imam Ahmad et qui est Hassan. Donc le Nabi alayhi salatu wassalam, il a fait les éloges de Khuraym al-Asadi. Il a dit: quel homme, Khuraym. Si seulement il n'avait pas des cheveux très longs et il ne laissait pas yani, dépasser avec son vêtement la cheville, car il laissait ses vêtements descendre en dessous de sa cheville. Il avait des cheveux très longs. Et quand Khuraym a entendu cela, il a pris une lame, il a raccourci ses cheveux, jusqu'à ce qu'ils sont arrivés au niveau des oreilles. Ça veut dire que ça couvrait quasiment toute la tête. Les cheveux sont arrivés au niveau des oreilles. Et il a levé son izar jusqu'à la mi-jambe, jusqu'à la mi-jambe. Le fils de Khuraym, il y a une faïda qui concerne le fils de Khuraym. Son fils, il s'appelle Ayman. Son fils, Ayman ibn Khuraym, il a dit: mon père et mon oncle ont participé dans la bataille de Badr. Et les deux m'ont fait une recommandation et un conseil qui est de ne jamais combattre un musulman. Allahu Akbar. De ne jamais combattre un musulman. Ça, c'est pour nous tous, et aussi pour ces khawarij qui combattent les musulmans et qui tuent les musulmans. Et ça, c'est le crime le plus grave et le premier au sujet duquel Allah tranchera entre les créatures. La première chose sur laquelle on sera jugé, c'est la salat. On ne parle pas de tawhid, là, le mushrikin, il n'y a pas de jugement, c'est directement en enfer. Lakin, la première chose sur laquelle on sera jugé, c'est la salat. Et le premier crime dans lequel il sera tranché entre les créatures, c'est le meurtre. C'est pour ça que le Nabi alayhi sallam dit: le croyant ne cesse d'être dans une largesse de sa religion jusqu'à ce qu'il coule un sang injustement. Yani jusqu'à ce qu'il commet un meurtre. Wal-iyadu billah. Qu'Allah nous en préserve. Et le meurtre, c'est pas seulement avec l'acte de tuer, c'est aussi avec l'incitation au meurtre, ne serait-ce qu'avec une seule lettre ou un seul mot. C'est pour ça un salaf qui a failli tomber dans une fitna et sortir contre le gouverneur, il s'est raisonné, il est revenu avant de sortir. Il est sorti avec eux, mais en cours de route, il a fait demi-tour, il s'est repenti. Et quand ils étaient avec ses élèves, ils louaient Allah. Ils le remercient pour l'avoir préservé de participer dans ces fitnes. Ils disaient, Alhamdulillah, que je n'ai pas participé dans ces fitnes. Car après le fitn, ils ont vu les conséquences et les meurtres qui ont été commis. Ils disaient, Alhamdulillah, que je n'ai pas participé dans ces fitnes. Un de ses élèves lui disait, t'as pas participé, mais t'es sorti. Et combien de gens ont dit, un tel est sorti. Et on va sortir parce qu'il est sorti. Mais ils n'ont pas su que t'es revenu. Et ils ont quand même participé par ta cause. Et quand il lui disait ça, il pleurait tellement à un point qu'ils avaient une profonde peine pour lui, une grande pitié pour lui. Naam, quand un kafir tue un musulman et il se repent par la suite, naam, le repentir, l'islam absout tout ce qui l'a précédé. Et l'émigration absout tout ce qui l'a précédé. Lakin, il reste les droits des gens. Vis-à-vis d'Allah, le péché est pardonné. Mais il faut savoir que les droits des gens, ça reste, et même avant l'islam. Quelqu'un qui a volé de l'argent à quelqu'un en étant mécréant, il devient un musulman, il veut se repentir, il doit rendre ce qu'il a volé. Et ainsi de suite. Les droits des créatures, ils ne sont pardonnés que quand la créature te pardonne. Ou, pour quelqu'un qui s'est repenti vraiment, un repentir sincère, il n'a pas eu la possibilité de rendre les droits des créatures, les savants disent celui-là, Allah, il se charge de rendre ses droits aux créatures, il ne les laisse pas prendre de ses hasanat. Quelqu'un qui est sincère. Donc, notez bien ce conseil de Khuraym, un Badri. Et les gens de Badr, c'est les meilleurs de cette communauté. C'est les meilleurs de cette communauté. Les 314 ou les 317 qui ont participé dans la bataille de Badr, c'est les meilleurs des compagnons. Comme les anges qui ont participé dans cette bataille, ce sont les meilleurs des anges. Et qu'est-ce qu'il recommande à son fils ? Lui, ainsi que son frère, le frère de Khuraym, ils ont recommandé à Ayman de ne jamais combattre un musulman. Ne combat jamais un musulman. C'est pour ça que certains sahabas, quand ils leur disaient de combattre, ils leur disaient « Ramenez-moi une épée qui a des yeux et une langue qui me dit « Celui-là c'est un mécréant, je le tue. Et celui-là c'est un musulman, je le tue pas. » Amma, je sors avec mon épée, je risque de tuer un musulman ? Non. Un autre compagnon, c'est Khuzaym ibn Thabit al-Ansari, radiyallahu anhu. Khuzaym ibn Thabit al-Ansari, radiyallahu anhu. À son sujet, Zayd ibn Thabit. Zayd ibn Thabit, radiyallahu anhu. Zayd ibn Thabit, vous savez, c'est celui qui a été chargé par Abu Bakr radiallahu anhu de regrouper toutes les sourates du Coran dans un seul ouvrage, dans un seul livre. Parce qu'avant le Coran, il était éparpillé. Sahaba, ils savaient, Cette sourate, elle commence par quoi? Elle termine par quoi? La suite des versets, tout ça. Mais il pouvait avoir un certain nombre de sourates. L'autre sahabi, il pouvait avoir un autre nombre de sourates. Mais c'était pas compilé dans un seul ouvrage. Et il y avait parmi les sahabas qui mémorisaient le Coran dans sa totalité pendant le vivant de Nabi alayhi salatu wassalam. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui est révélé, ils la mémorisent. Et ils n'étaient pas très nombreux, ceux qui ont mémorisé le Coran dans son intégralité pendant le vivant de Nabi alayhi salam, c'était pas un très grand nombre. Et c'était les plus grands savants de Sahaba dans le Coran. Comme vous savez, à leur tête, il y a Ubay ibn Ka'b, qu'on a vu. Il y a Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, qu'on a vu également. Et il y avait Mu'ad ibn Jabal, le grand compagnon, le grand sahabi, radiyallahu anhu, le grand savant, même le plus grand savant de la législation islamique, jusqu'à la fin des temps. Mu'ad ibn Jabal. Et il y avait un autre qu'on va voir aujourd'hui qui s'appelle Salim, Mawla Abi Hudhayfa, radiyallahu anhu. En tout cas, Zayd ibn Thabit, parmi les grands savants du Coran, a été chargé par Abu Bakr al-Siddiq pour regrouper le Coran dans un seul volume. Et il a réussi à faire cette compilation de toutes les sourates et de tous les versets sans exception. Il lui manquait un seul verset de sourate Al-Ahzab. Et il cherchait un compagnon qui avait ce verset. Et il ne l'a trouvé que chez Khuzaymah ibn Thabit al-Ansari. Khuzaymah ibn Thabit al-Ansari, il a une particularité, ce compagnon, que aucun autre compagnon n'a. C'est que son témoignage est égal au témoignage de deux hommes. C'est comme ça que le Nabi alayhi salam a dit de lui. Et Zayd radiallahu anhu, il a dit, ce verset, je l'ai trouvé uniquement chez Khuzaymah. Et avec ça, il a complété, yani, le Coran, et c'était dans un seul volume. Celui qui a été chargé par ça, Zayd ibn Thabit, avec l'aide de d'autres compagnons. Lakin, c'est lui qui a mené ce projet jusqu'à son aboutissement. Et l'histoire du témoignage de Khuzaymah radiallahu anhu, c'est que le Nabi alayhi salatu wassalam, un jour, il a acheté un cheval. Il a acheté un cheval d'un homme. Et l'homme a suivi le Nabi. L'homme a dit à cet homme, le Nabi a dit à cet homme qui lui a vendu le cheval, il lui a dit, suis-moi, je vais te donner le prix du cheval. Il lui a demandé de l'accompagner. Et le Nabi, il marchait vite. Vous savez que le Nabi, il marchait vite. Il ne courait pas. Lakin, il marchait vite. Il pressait les pas, salam. Et ça, comme on a vu quand on a parlé de Nabi, de sa biographie, de Shama'il, que ça, c'est parmi les caractéristiques des hommes déterminés. Yani, le temps est compté pour eux. Par contre, l'homme qui lui a vendu le cheval, il marchait lentement et d'autres personnes sont venues. Ils sont venus voir cet homme, yani le propriétaire du cheval, et ils lui ont proposé de lui acheter son cheval. Et il ne savait pas que le Nabi alayhi salam l'avait acheté. En islam, quand quelqu'un achète une chose, c'est interdit de venir et de proposer un prix supérieur ou là de négocier avec le propriétaire. Quand c'est vendu, c'est haram. Parce que ça crée la haine entre les musulmans. T'imagines, t'achètes une chose La vente est conclue. Et quelqu'un, il vient, il lui dit, moi, je te l'achète pour plus cher que ce qu'il t'a donné. Si jamais le vendeur, il craint pas Allah, il lui vend, et ça va créer de la haine entre toi et celui qui l'a acheté. Pour ça, c'est haram en islam. Lakin, si les gens, chacun, il propose son prix, où là, chacun, il propose, ils sont dans la négociation, c'est pas encore conclu, à ce moment-là, il n'y a pas de mal à participer aussi dans cela, comme c'est fait dans les ventes aux enchères. Donc, quand on lui a proposé des prix qui étaient très intéressants, il a dit au prophète, sallam, il a appelé le prophète, sallam, il lui a dit, si tu as acheté ce cheval, ou sinon, je vais le vendre à ces gens-là. Quand Nabi sallam, il a entendu cela de ce bédouin, il lui a dit, n'est-ce pas que je t'ai déjà acheté ton cheval? L'homme a dit non, par Allah, tu ne me l'as pas acheté. Le prophète sallam, lui a dit, si je te l'ai acheté. Et le bédouin a dit, alors ramène-moi un témoin. Khuzaym ibn Thabit radiallahu anhu, qui était présent, qui a assisté à cela, il a dit, ô messager d'Allah, j'atteste que tu lui as acheté son cheval. Khuzaima qui a assisté quand ils échangeaient, mais il n'a pas assisté à la vente. Nabi sallam lui a dit, en quel droit tu témoignes que je l'ai acheté? Yani, tu te bases sur quoi? Que j'ai acheté ce cheval. Yani, tu n'étais pas présent lors de la vente et tu dis témoigner que je l'ai acheté. En quel droit tu fais cela? Khuzaymah radiallahu anhu lui a dit, je témoigne que tu l'as acheté au messager d'Allah en croyant en toi que tu es le messager d'Allah, que tu es le messager d'Allah qui dit la vérité. Et depuis ce jour-là, Nabi sallam a fait le témoignage du témoignage de Khuzaymah comme le témoignage de deux hommes. Ça, c'est rapporté par Abu Daoud, An-Nasa'i et d'autres. C'est un hadith authentique. Et dans une autre version, Khuzaymah radiallahu anhu, il a dit au messager d'Allah, ne croyons ta véracité dans des choses qui sont plus grandes que ça. Yani, la prophétie, tu reçois la révélation du ciel. Que dire d'une vente d'un cheval ou de l'achat d'un cheval? Un autre compagnon qui s'appelle Dihya ibn Khalifa al-Kalbi, radiallahu anhu. Dihya ibn Khalifa, comme rapporte Jabir, du prophète, alayhi salatu, il a dit, j'ai vu les prophètes et j'ai vu que Moussa était un homme fort physiquement, comme les gens de Chanoua, comme les gens de Chanoua. Nabi Hassan leur a donné un exemple qu'ils connaissent. Chanoua, c'est une tribu au Yémen, dont les hommes sont connus pour être grands de taille et avec la peau mate. La peau mate. Donc Moussa alayhi salam, il était comme ça. Il était grand de taille, grand de taille, avec une peau mate. Il a dit, et j'ai vu Isa ibn Maryam. Il ressemble à Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi, un compagnon de la ville de Taif. Il a dit, il lui ressemble. Il ressemble à Urwa ibn Mas'ud. Et j'ai vu Ibrahim, alayhi salam. Et l'homme qui lui ressemble le plus, c'est votre compagnon. Nabi alayhi salam, il parle de lui-même. C'est lui qui ressemble le plus à son père Ibrahim, alayhi salam. Il a dit, et j'ai vu Jibril. Et j'ai vu Jibril. Et l'homme qui lui ressemble le plus parmi vous, c'est Dihya الكلبي، دحية بن خليفة الكلبي رضي الله عنه. Et دحية بن خليفة c'était un compagnon d'une très très grande beauté. C'est pour ça il est rapporté authentiquement également que Jibril alayhi salam, quand il venait, quand il se rendait auprès du prophète alayhi salam, il venait avec l'apparence de Dihya ibn Khalifa al-Kalbi, qu'Allah l'agré. Un autre compagnon qui s'appelle Rafi' ibn Khadij. Rafi' ibn Khadij, le jour de la bataille de Uhud, il a été touché par une flèche. Yani, le rapporteur a douté, est-ce que c'était la bataille de Uhud ou la bataille de Khaybar? En tout cas, il a été touché par une flèche au niveau de la poitrine. Et il a dit au messager d'Allah, après la fin de la bataille, il a dit au messager d'Allah, retire-moi cette flèche. Vous savez que les flèches sont composées d'un bois, et à la tête du bois, à la pointe, ils mettent une partie métallique. Et des fois, ils peuvent mettre du poison dans cette partie métallique qui sert à percer et à pour que la flèche traverse le corps de ce qui est lancé avec. Donc, il a été touché par cette flèche qui était restée attachée à sa poitrine. Radiallahu anhu. Il a dit au messager d'Allah, retire-moi cette flèche. Nabi alayhi salam lui a dit, si tu veux, je peux la retirer. Je retire la flèche avec la pointe métallique. Et si tu souhaites, je retire uniquement le bois et je laisse la pointe métallique en sa place. Et je serai, si je laisse la pointe métallique dans sa place, je serai un témoin pour toi que tu es un martyr auprès d'Allah. Je témoignerai que tu es un martyr auprès d'Allah si je laisse la partie métallique. Donc, Nabi alayhi salam savait que si jamais il lui retire la totalité, il va mourir. Il aura le degré du martyr. Et s'il lui laisse la partie métallique, il va vivre plus longtemps. Il va pas mourir tout de suite. Là, ça va rester fermé. Et il sera témoin auprès d'Allah que c'est un martyr quand même. Donc, il va pas louper ce mérite. Là, s'il n'y avait pas ça, il aurait choisi qu'il lui retire toute la flèche. Rafi' radiallahu anhu a dit, ô messager d'Allah, retire-moi juste le bois et laisse la pointe métallique. Et témoigne en ma faveur le jour de la résurrection que je suis martyr. Et effectivement, le Nabi alayhi salam lui a retiré seulement le bois, il a laissé la pointe. Il a vécu, après cela, un certain nombre d'années jusqu'aux gouvernances de Muawiyah ibn Abi Sufyan. Yani toute la période de Abu Bakr, et Omar, Uthman et Ali, et Hassan, et après Muawiyah, radiyallahu anhum. Et pendant la gouvernance de Muawiyah, sa blessure s'est enflée et le sang est sorti. Après cela, il est mort. Un autre compagnon qui est Rabi'a ibn Ka'b al-Aslami, radiyallahu anhu. Rabi'a, que vous connaissez certainement, Rabi'a, c'est le compagnon qui était au service du Nabi alayhi salatu wassalam. Parmi les grands compagnons qui étaient au service de Nabi alayhi salatu wassalam. Il est connu, un jour il disait qu'il a ramené au prophète alayhi salatu wassalam, il lui a ramené le récipient pour faire les ablutions, et il a continué à regarder le Nabi alayhi salatu wassalam. Nabi alayhi salatu wassalam lui a dit, demande-moi ce que tu veux. C'est comme s'il a vu, qu'il était dans, il avait un besoin, une demande. Il lui a dit, demande-moi ce que tu veux. Et il a dit, je te demande ta compagnie dans le paradis. Nabi alayhi salam lui a dit, demande autre chose que cela. T'as pas une autre demande? Yani une demande de dunya. T'as besoin d'argent. T'as besoin d'une maison. Et en plus, Rabi'a, il était pas marié. tu as besoin de te marier. Il était dans une grande pauvreté. Rabi'a, il faisait partie des gens de Sofa. Sofa, c'est un endroit dans la mosquée du prophète, dans laquelle vivait un certain nombre de compagnons qui étaient dans une grande pauvreté. Tout simplement, ils ne possédaient rien de cette dunya. L'un d'entre eux, il avait le morceau de tissu qu'il portait. C'est tout ce qu'ils possèdent de cette dunya. Et ça, ce n'était pas un choix de leur part d'être dans cet état, comme les ignorants de Sophia. Ils portent des vêtements usés, déchirés, alors qu'il a la possibilité de s'habiller avec des beaux vêtements. Allah aime voir sur toi tes bienfaits. Allah aime voir sur toi ses bienfaits. L'ascétisme et le renoncement au bien de ce bas monde, c'est dans le cœur et non pas dans le vêtement ou la voiture. Lakin, la modestie d'une manière générale facilite le renoncement au bien de ce bas monde. Et celui qui vit dans une luxure et dans une vie de taraf, de grande aisance, en général, ça va être plus difficile pour lui de renoncer à Dunya. Ça, c'est des choses qui sont constatées. C'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il s'asseyait par terre, il se contentait du peu qu'il pouvait avoir, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Mais, toujours utile de savoir que la base de Zuhd, c'est dans le cœur, et non pas sur l'apparence. Car tu peux trouver une personne qui est très pauvre, qui ne possède rien de cette dunya, et qui est dans un grand attachement à dunya. Avide de dunya. Elle court derrière dunya. Et tu peux trouver quelqu'un qui est dans une grande aisance, mais dunya n'a pas de valeur dans son cœur. Il gagne, il perd, pour lui c'est égal. Donc zuhd, c'est dans le cœur. Mais la facilité et la simplicité et la modestie dans l'habit, dans la monture, dans le mode de vie, ça c'est des choses qui facilitent pour le serviteur le renoncement au dunya. Comme a dit un salaf, il a dit « diminue ». Il a dit zod, dans le sens zod, il commence par la diminution de tes besoins de dunya. Toi, tu as besoin tous les jours de 200 euros, là, tu as besoin de manger une glace, de manger du Nutella, de un beau morceau de viande. Tu as énormément de besoins. Comment tu vas être un zahid? C'est pas possible. Parce que pour avoir ces choses-là, tu vas devoir travailler plus, tu vas devoir faire plus d'efforts. Contrairement à quelqu'un qui limite ses besoins de cette dunya à un petit peu, on va pas dire un strict minimum, comme ça il y a ceux qui nous écoutent, ils vont pas lakin, un petit peu plus que le strict minimum, il y a pas de mal en cela, mais ça va te faciliter le renoncement au bien de ce bas monde, ça va te faciliter zuhd. Donc ces gens de Sofa dont faisait partie Rabi'a radiallahu anhu, ils étaient dans cette situation malgré eux. Abu Bakr n'était pas parmi les gens de Sofa. Lakin, c'est des gens qui n'avaient pas de toit, n'avaient pas de logement, ils n'avaient pas de femme, d'épouse, ils n'avaient rien de cette dunya, à l'exception du vêtement qu'ils portent sur leur corps. Et Rabi'a, il faisait partie de ces gens-là. Donc, Nabi Azizlam, il lui répète, demande-moi ce que tu veux. Yani, tu as besoin de quelque chose de dunya. Il dit, ô messager d'Allah, ta compagnie dans le paradis. Nabi Azizlam lui a répété, lui a dit, je ne veux que ça, ô messager d'Allah. Et à ce moment-là, Nabi Azizlam lui a dit, fa'a'inni ala nafsika bi kathratis sujoud. Rapporté par l'imam muslim. Ça, c'est très connu, et le sahabi qui a eu cette histoire, c'est notre sahabi Rabi'a ibn Ka'b al-Aslami, qu'Allah l'agré. Il est décédé dans la bataille qu'on a appelée la bataille de l'Harra, qui a eu lieu entre Yazid ibn Muawiya et les gens de Médine, en l'an 63 de l'Hégire. Il est mort après cela. Il est mort après cela, il était au service du prophète alayhi salatu wassalam jusqu'à sa mort. Radiallahu anhu. Rabi'a, il dit qu'il était au service du prophète alayhi salatu wassalam. Et un jour, le Nabi alayhi salatu wassalam lui a dit: Ô Rabi'a, tu veux pas te marier? Il a dit au prophète alayhi salatu wassalam: Ô messager d'Allah, je ne veux pas me marier, car je n'ai pas de quoi subvenir aux besoins d'une épouse. Et j'ai peur que cela m'éloigne de ton service. Et m'occupe et ne me permet pas d'être dans ton service. Le Nabi, quand il a entendu ça de lui, il lui a plus rien dit. Il est resté dans son service. Une deuxième fois, le Nabi, il lui a répété la même chose. Il lui a dit: Tu veux pas te marier? Il a donné la même réponse. Et il s'est dit: Si jamais il me pose la question une troisième fois, je vais dire: Choisis pour moi ce que tu veux au messager d'Allah. Car être dans le choix du prophète alayhi salatu wassalam pour toi est meilleur que d'être dans ton propre choix. Toi, c'est ce que tu vois meilleur. Je suis au service du prophète alayhi salatu wassalam. Je fais ça, je fais ça. Mais celui qui connaît le mieux ton bien, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, et celui qui reçoit la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala, le messager alayhi salatu wassalam. Et effectivement, une troisième fois, le Nabi alayhi salam lui a proposé. Et là, Rabi'a, il a dit: Oui, au messager d'Allah, ordonne-moi ce que tu veux. Il lui a dit: Marie-moi avec qui tu veux au messager d'Allah. Il lui a dit: Va voir telle famille parmi l'Ansar. Et c'était des gens qui étaient très très bons dans leur relation avec le Nabi Aïssa, dans leur comportement. Ils étaient d'une grande générosité envers le Nabi Aïssa. Il lui a dit: Va les voir et dis-leur que le messager d'Allah m'a envoyé pour vous et vous demande de me marier une telle parmi vos filles. Effectivement, ils l'ont accueilli. Ils ont dit: Bienvenue au messager du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Il nous ordonne de te marier une telle. Ils ont dit: Avec grande joie, nous te marions notre fille. Ils l'ont mariée et ils ont bien pris soin de lui et ils ne lui ont pas demandé de preuves ni quoi que ce soit. Ils se sont contentés de sa parole, radiyallahu anhu. Et radiyallahu anhum. Et il est revenu voir Nabi Aïssa en étant triste. Il lui a dit: Qu'est-ce que t'as, ya Rabia? Il lui a dit: Au messager d'Allah, tu m'as envoyé vers des gens extrêmement généreux et extrêmement bons. Ils m'ont marié, ils m'ont nourri, ils ont pris soin de moi, ils m'ont rien demandé et je n'ai pas de quoi leur donner une dot. Nabi Aïssa a demandé à Bourayd al-Aslami, qui est de la même tribu que Rabi'a ibn Ka'b al-Aslami, il lui a demandé de demander à la tribu de réunir à Rabi'a de quoi payer une dot, et que ce soit du poids, yani un certain poids en or. Effectivement, ils lui ont ramassé, yani on peut dire cette somme, pour donner la dot. Et il est revenu encore une fois voir le Nabi Aïssa avec ce qu'ils lui ont donné en or. Il lui a dit: Vas-y maintenant et donne-leur ça en dot. Il est parti, ils l'ont accepté, ils ont dit: Ça c'est beaucoup, on ne voulait pas de toi autant. Et là, ça l'a rendu encore plus triste. Il est revenu voir le Nabi Aïssa, lui a dit: Au messager d'Allah, je suis parti vers eux, je leur ai donné sadaq, ils ont dit: Ça c'est beaucoup. Il a dit: Je n'ai jamais vu des gens aussi bons et aussi généreux que eux. Et je n'ai pas de quoi faire une walima, le festin du mariage. Al-Walima, c'est le festin du mariage. Il a dit, je n'ai pas de quoi faire une walima. Le Nabi a convoqué encore une fois Bouraïda. Il lui a dit, ramassez-lui de quoi acheter un mouton. Et effectivement, il a acheté un mouton bien engraissé. Et le Nabi a ensuite, il lui a dit, va voir Aïcha et demande-lui de t'envoyer ce qu'il y a dans un endroit où ils mettent les graines avant de les moudre et de pour faire du pain. Il lui a dit de te donner tout ce qu'il y a chez Nabi alayhi salatu wassalam. Effectivement, il est parti voir Aïcha radiallahu anha, la mère des croyants, et elle lui a sorti tout ce qu'il avait, Nabi alayhi salatu wassalam, chez lui, et ils ont trouvé qu'il avait 9 sa' de sha'ir, d'orge. Sha'ir, c'est l'orge. Nabi alayhi salatu wassalam, il avait 9 sa'. 9 sa', il y a à peu près une vingtaine de kilos de sha'ir. C'est tout ce que Nabi alayhi salam avait comme provision chez lui. Sha'ir, le khobz de sha'ir, il est difficile à manger. Il est bon pour la santé, lakin il devient très dur très rapidement. Et ça, c'est pas comme le blé. C'est pour ça que les pauvres, ils avaient sha'ir à l'époque du prophète alayhi salam. Et les riches, ils pouvaient se permettre le blé. Le blé qui est plus tendre. Et effectivement, ensuite, Nabi Al-Salam lui a dit, maintenant, va les voir et donne-leur ce mouton et ces graines pour faire du pain. Comme ça, ils te font une walima. Quand il est venu, ils lui ont dit, d'accord, pour le pain, on va s'en occuper. Mais occupe-toi avec tes compagnons, occupe-toi du mouton et de sa préparation. Et eux, ils se sont occupés du pain et de sa préparation. Et le lendemain, ils ont fait le festin. Il a invité le Nabi alayhi salam. Il a assisté à son festin de mariage. Il continue en disant, Rabi'a radiallahu anhu. Il a dit par la suite, le prophète alayhi salatu wassalam, et ça c'est pour montrer la période dans laquelle ils étaient, dans une grande pauvreté, le Nabi alayhi salam et ses compagnons. Et là, il va parler d'une deuxième phase qui a suivi, où la richesse commence à venir petit à petit. Au point où le Nabi alayhi salam, il a dit, il lui a donné une terre. Il lui a donné une terre. Regardez, Ali. Au lieu de donner une sadaqa à quelqu'un, donne-lui quelque chose pour travailler. Et ne pas rester dépendant des dons des gens toute sa vie. Donne-lui de quoi faire un commerce ou des choses comme ça. Ça, c'est comme ça que le Nabi alayhi salam, il a agi avec Rabi'a radiallahu anhu. Il lui a donné une terre. Et Abu Bakr également lui a donné une terre. Et il a dit, et la richesse est venue. Un jour, il s'est disputé avec Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu au sujet d'un palmier dont les dates étaient entre les deux, entre la terre de Abu Bakr et la terre de Rabi'a radiallahu anhu. Et Abu Bakr, il a dit, ça m'appartient, car c'est dans ma terre. Et Rabi'a, il a dit, non, ça m'appartient, car c'est dans ma terre. Et Abu Bakr, à ce moment-là, il a dit une parole que Rabi'a a détestée, n'a pas aimée. Et Abu Bakr aussi, il a détesté d'avoir dit cette parole. Il l'a regretté tout de suite. Il a dit à Rabi'a, maintenant tu vas me dire la même chose que je t'ai dit. Comme ça, c'est cette parole contre la tienne. Et il n'y aura pas de loi de talion entre moi et toi auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Rabi'a, il a refusé de dire la même chose. Il a refusé. Abu Bakr lui a dit, tu vas le dire. Ou je vais voir le Nabi alayhi salatu wassalam. Rabi'a a dit, je ne vais pas le dire. Et la tribu de Rabi'a sont venus le voir et lui ont dit, pourquoi Abu Bakr radiallahu anhu? Ils lui ont dit, qu'Allah fasse miséricorde à Abu Bakr. Il t'a dit cette parole et il veut aller voir Nabi alayhi salam contre toi. Il a dit, c'est comme, il a dit, c'est lui qui a commencé, radiallahu anhu. Rabi'a, qui connaît très bien Nabi alayhi salam et qui connaît très bien Abu Bakr Siddiq, il leur a dit, attention que Abu Bakr, il vous voit en train de me soutenir contre lui. Attention qu'il vous voit comme ça. Car s'il le voit, il risque de se mettre en colère. Et si jamais Abu Bakr il se met en colère, Abu Bakr qui est mentionné dans le verset Thani Ethnein, Idhuma fil ghar, il était dans la grotte avec le messager d'Allah. Le cheikh de l'muslimin, le véridique, As-Siddiq, il a dit, si jamais Abu Bakr il se met en colère, peut-être qu'il va voir Nabi alayhi salam, et Nabi alayhi salam il se met en colère pour la colère de Abu Bakr. Et si jamais Nabi alayhi salam il se met en colère, Allah se mettra en colère pour son prophète alayhi salatu wasalam, et ainsi je vais périr. Alors ne me soutenez pas. Ils lui ont dit, qu'est-ce qu'on fait alors? Il a dit, que chacun de vous rentre chez lui. Ne faites rien. Et Abu Bakr est parti effectivement voir Nabi alayhi salam. Et Rabi'a l'a suivi chez Nabi alayhi salatu wassalam. Seul, et non pas avec les siens. Et ça, c'est une grande sagesse de la part de Rabi'a radiallahu anhu. T'es en conflit avec ton frère, ne ramène pas ceux qui vont applaudir pour toi et dire Masha'Allah et c'est toi qui as raison, continue. Non. Vas-y, toi et lui seul. Et régler cela dans la plus grande discrétion, tant que ceci est possible. Et quand Rabi'a est entré chez le prophète, alayhi salam, Nabi alayhi salam lui a dit, Abu Bakr a raconté ce qui s'est passé au prophète, alayhi salam. Il a dit, voilà, je lui dis une parole, je l'ai regretté, je lui ai dit de me dire la même chose, il a refusé. Quand Rabi'a est entré chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, « Ya Rabi'a, ma alaka wa lis-siddiq ?» Qu'est-ce que tu as avec siddiq? Il a dit au messager d'Allah, voilà ce qui s'est passé. Et il m'a dit de répéter cette parole qu'il a détestée et qu'il a regretté de l'avoir dite. Et je lui ai dit non. Le Nabi alayhi wa sallam lui a dit, « Naam, tu as raison, ne la répète pas, mais dis-lui, qu'Allah te pardonne, ô Abu Bakr. » Et Rabi'a dit à Abu Bakr Siddiq, qu'Allah te pardonne, ya Abu Bakr. Al-Hassan, le rapporteur du hadith, il dit, Abu Bakr est sorti de chez le prophète sallam en pleurant. Il est sorti en pleurant, radiallahu anhu. Regardez mes frères, même entre ses grands compagnons, il pouvait y avoir des choses qui sont en lien avec la nature humaine. Mais regardez comment ça se règle, en revenant au livre d'Allah et la sunna du prophète alayhi salam. C'est pour ça, ne cherche pas un ami. Et pour la sœur, ne cherche pas une amie sans défaut. Ça n'existe pas. Si tu veux un ami sans défaut, ne prends jamais d'amis. Mais cherche un frère ou une sœur qui craint Allah et qui t'aide dans son obéissance et qui te fait le rappel quand tu tombes dans l'insouciance. Et ferme les yeux sur beaucoup de ces erreurs, sauf les erreurs dans la religion. Il faut faire nasiha. Amma, il t'a manqué de respect, il t'a pas respecté comme il faut. Yani, toutes les choses qui sont en lien avec ta personne, ça, ferme les yeux sur la grande majorité. Lakin, avec une franchise. Yani, tu vas pas faire des remarques sur chaque détail. Celui qui remarque tout chez son frère, il va finir par le perdre. Par contre, quand il y a des choses qui te font très mal, là, il faut la franchise. Yahi, ça me dérange. Ne me le fais pas. Barakallahu fik. Là, si tu le fais pas, il va arriver un jour où tu vas en avoir marre de lui. Lakin, si tu veux le garder comme frère, s'il fait une chose que tu n'arrives pas à supporter, faut le dire. Et ça, c'est valable aussi pour les couples. Quand on se marie, c'est bien de clarifier les choses dès le premier jour. Dès le premier jour. L'homme, ni le mari, peut avoir des choses insupportables pour lui. Comme la femme, elle peut avoir des choses insupportables pour elle chez son mari. Elle lui dit, voilà, ça c'est une chose que je ne supporte pas, ne la fais pas. Et lui aussi, il lui dit de même. Car sinon, il va cumuler, jusqu'à un jour, il ne pourra même pas la voir. Et ça sera la séparation. Après, il y a des petits détails sur lesquels il faut fermer les yeux. C'est ce qu'on appelle taradi. Est-ce que le hadith de Rabi'a et de Abu Bakr al-Siddiq est authentique? Naam, il est hasan. Il est hasan. Il est rapporté dans le musnad de l'imam Ahmad et dans le musnad de Abu Daoud al-Tayalisi et dans Tabarani al-Kabir et est rapporté dans Moussadrak al-Hakim également. Donc c'est un hadith qui est hasan à cause d'un rapporteur. Sinon, il arriverait au degré de l'authentique. Mais il est hasan, donc il est acceptable. Le hakim a dit hadithun sahihun ala sharti muslim. Mais ce qui est plus juste, c'est ce que le sheikh a dit, c'est pas sahih, mais c'est un hadith qui est hasan. Alhamdulillah. Donc on va s'arrêter là. On va s'arrêter là, inshallah. Et nous continuerons demain, bi'idnillahi ta'ala. Comme j'ai dit, on va essayer de faire deux ou trois cours sur les hommes parmi les Sahaba, avant d'entamer un nombre de cours sur les femmes parmi les Sahabiyat, radiyallahu anhun. Barakallahu fikum wa jazakum allahu khaira. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.